Mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 mars. Il est 21h. Je vous présente Claudia. Claudia est script. Bonjour. Miguel et Juan, caméramen. Ils sont espagnols. Excusez-moi, on parle espagnol, Miguel est espagnol, mais je suis argentin. Oh, pardon. Et pour le son et la musique, Louis, il est français. Et maintenant, vous êtes prêts ? Action !